Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Or, ce soir, avec un dossier consommateur, la presse consumériste est déjà dans les kiosques. Et en particulier, le mensuel de l'UFC Que Choisir, de l'Union Fédérale des Consommateurs, c'est-à-dire le mensuel Que Choisir. Alors, beaucoup de nouveautés. Et puis, Que Choisir réagit par rapport au prospectus publicitaire. Les boîtes aux lettres débordent de prospectus publicitaires et il y a une enquête exclusive de l'UFC Que Choisir. C'est signé Elisabeth Chenet avec Nicolas Mouchineau. Pour cette opération sur les prospectus publicitaires, 70 associations locales de l'UFC Que Choisir se sont mobilisées. Les participants ont conservé tous les prospectus déposés dans leur boîte aux lettres en mai, puis les ont comptés et pesés. 40% d'entre eux avaient un autocollant Stop Pub à poser sur leur boîte aux lettres. Premier constat, le dispositif Stop Pub est efficace, avec en moyenne 3 publicités reçues dans le mois au lieu de 60, quand il n'y était pas, soit 24 fois moins de papier à jeter. 100 grammes au lieu de 2,4 kg. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, il faut croire que Stop Pub, ça marche quand même. Oui. Ce qu'on oui. constate, c'est beaucoup à la discrétion, bien sûr, de ceux qui distribuent la pub, mais enfin, normalement, si on met Stop Pub, c'est pour ne plus avoir de pub. Ce qu'on constate, les quantités distribuées restent phénoménales, avec 60 prospectus rien qu'au mois de mai. Pourtant, calme, selon les volontaires. Car les tonnages ne baissent pas au niveau national. Bien au contraire, ils sont passés de 630 700 tonnes, je répète bien les chiffres, en 2004 à 72 840 tonnes en 2016, soit une hausse de 15%. Voilà, compte tenu du stop pub apposé sur environ 20% des boîtes aux lettres de l'Hexagone et qui est respecté, plus de 700 000 tonnes de papier atterrit chez les 80% de ménages non équipés. Eux reçoivent de plus en plus de prospectus, majoritairement provenant des enseignes de la grande distribution, avec une mention toute spéciale pour Carrefour et Édouard Leclerc, suivi de Système U, Cora, Auchan, Leader Price, puis Intermarché. Alors, on pourrait se dire, après tout, la pub, c'est la pub, ça fait travailler du monde, etc. Mais ouais. C'est aussi un coût pour les contribuables, selon Que Choisir. Ah oui, parce qu'en plus, c'est... Mais avec ou sans Stop Pub, ces prospectus coûtent cher aux consommateurs. D'une part, quand ils font leurs courses, c'est 185 € par an, chiffre 2016 pour une famille de 4 personnes, à travers ses achats, les enseignes, répercutant bien entendu le coût de leur publicité dans le prix des produits. D'autre part, en raison des coûts de collecte et de traitement de ces déchets de papier, en partie payés par les contribuables locaux à travers leurs taxes d'ordures ménagères. Seuls les ménages facturés à la redevance incitative en sont dispensés s'ils n'ont pas de publicité à jeter. Cette nouvelle enquête, après celle de 2014, prouve que rien n'a changé. Le plus cocasse, c'est que nous en sommes au troisième plan national de prévention des déchets. Le dispositif Stop Pub faisant déjà partie des mesures phares du premier pour réduire le tonnage de prospectus publicitaires. Mais ces derniers sont encore classés au titre des priorités numéro 1 du plan actuel, tant l'efficacité des mesures reste égale à zéro. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je me souviens, j'ai habité une grande ville, j'ai été citadine, et c'était il y a longtemps, j'avais mis pas de pub sur ma boîte aux lettres, je l'avais simplement écrit, j'avais pas le stop pub. C'était moi qui avais mis un petit mot comme quoi je voulais pas de pub. C'était ça marchait. En 90 et ça marchait. Ouais. Alors, demandez le stop pub. Il faut donc changer de braquet. Les contributions s'avèrent sans aucun effet. Seules de lourdes pénalités financières parviennent à détourner les enseignes de ce marketing passéiste et polluant. La balle est dans le camp des pouvoirs publics, bien entendu. Mais est-ce que les pouvoirs publics ont la volonté de, si, stopper un peu cette pub? Un peu, Michel, quand même, parce que moi, mon stop pub, je l'ai eu à la mairie. Oui. Donc c'est quand même ouvert. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui veut plus de publicité, qui en a marre de ramasser des prospectus et de remplir des sacs. Bien sûr. La mairie, c'est gratuit. Hein, c'est... Mais les consommateurs ne sont pas démunis. À supposer que 50% des boîtes aux lettres affichent le stop pub, la grande distribution sera obligée de réduire nettement sa production d'imprimés publicitaires. Une stratégie gagnante pour l'environnement et pour le budget des consommateurs. Que choisir invite donc ses abonnés qui reçoivent les stop pubs adressés avec ce numéro, hein, c'est-à-dire celui du mois de juillet-août. Ah d'accord, donc le numéro conso. Il y a des stop pubs dedans. Voilà. Ah bah, les lecteurs ayant acheté le magazine en kiosque peuvent le demander à leur association locale UFC Que Choisir. Oui, puis voilà. Ça se fait en mairie, je le répète. Et puis ça coûte rien. J'ai peut-être pas toutes les mairies qui distribuent, je ne sais pas. Bah, à Armiremont, moi, j'ai eu mon étiquette. Parce qu'il y avait beaucoup de mes voisins qui l'avaient. Et moi, j'en ai eu marre de ramasser des papiers comme ça. J'avais déjà fait ça problème, il y a 20 ans. Le problème, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter, quoi. Hein. Si encore c'était un peu sobre, puis en plus c'est des imprimés très luxueux, les unités de désancrage, tout ça, sont souvent débordés pour pouvoir récupérer les papiers. C'est pollué en plus les papiers. C'est pas du tout évident, puis ça coûte cher aux consommateurs et puis aux contribuables. Tu penses pas que les papiers en plus ils sont pollués? C'est-à-dire que le papier glacé, les encres, etc., c'est assez polluant à recycler. Parce que le papier, il est quand même recyclé. Hein, pour la plupart, ils sont recyclés. Seulement, le problème, par exemple, les unités de désancrage des entreprises qui recyclent le papier en particulier, c'est assez polluant. En plus, Michel, si je peux me permettre encore une petite réflexion, je pense que recevoir des publicités, ça fait acheter mal, en fait. On achète des trucs dont on n'a pas besoin. L'essentiel, on l'oublie. Je pense que c'est anti-cuisine, en fait. C'est un peu... ça fait manger un peu n'importe comment, n'importe quoi. Parce que ce qu'on voit comme produit sur ces publicités, c'est souvent des choses grasses ou... Enfin, je sais pas, c'est... Ah bah, il y a tout, dans la publicité, il y a tout. Moi, je ne m'y retrouve pas. Il y a aussi bien... Il y a aussi bien des clermolettes c'est n'importe quoi. C'est le mot qui convient, c'est n'importe quoi. Bon, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pour faire vendre des produits. Faire passer des promotions, etc. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui regardent quand même ça pour pouvoir des produits en promotion qui sont des fois valables. Oui, c'est vrai. On pourrait se débrouiller autrement et puis les gens se déplacer au magasin avec un imprimé publicitaire qui peut les intéresser, mais c'est tout. Mm. Mais là, ça devient vraiment envahissant. Ah oui, hein, tout le monde le dit. Mm. Voilà, tu parlais de pollution, les imprimés de pub. Mm. En parlant de la pollution de l'air. La France est poursuivie. Il y a 10 ans que la directive européenne sur la qualité de l'air est parue. Et 10 ans que les gouvernements français successifs empilent les plans sans s'attaquer aux vraies causes de la pollution pour la réduire. Les coups de ce monde de Bruxelles n'ont pas manqué, sans succès. Or, cette fois, la Commission européenne a saisi la Cour de justice européenne. Il faut dire que les effets de cette pollution de l'air urbain sur la santé sont dévastateurs. Outre les 48 000 morts par an, l'Agence nationale de santé publique France rappelait en 2016 que, je cite, « si les effets immédiats sur la santé sont observés pendant les pics, c'est l'exposition quotidienne et dans la durée qui a l'impact le plus fort sur la santé. » Voilà, fin de citation. Le gouvernement a tenté une ultime manœuvre pour échapper aux poursuites en présentant des feuilles de route pour les 14 zones polluées ciblées par Bruxelles. En vain, Cette menace de lourdes sanctions financières va-t-elle enfin le contraindre à protéger la santé des Français plutôt que les intérêts de l'industrie automobile? Réagissant à cette saisine, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, confirme sa détermination à accélérer les mesures en faveur de la qualité de l'air afin de protéger la santé des Français et de mettre fin à ce contentieux. Que choisir de conclure? On attend la suite, sachant que le diesel est responsable à 80% de cette pollution. Ah oui, enfin, qui a encouragé les Français à être au diesel, hein? Malheureusement, moi j'ai un véhicule automobile qui est au diesel, bien sûr. Je ne roule pas beaucoup en agglomération, mais quand même, hein, pour un temps, bien sûr, c'était le fuel était beaucoup moins cher que l'essence. Et puis en plus de ça, ben, il y avait des mesures incitatives pour aller vers le diesel. C'était véritablement un véritable problème français. Oui, tu dis que c'est le diesel qui pollue. Moi, j'allais qui pollue le plus. Qui pollue le plus, oui. J'allais te poser la question. Qu'est-ce qui pollue? Il y a effectivement l'essence, mais il n'y a pas que l'essence. Il y a d'autres choses, il y a les entreprises, il y a des entreprises. Ah oui, d'accord, mais la qualité de l'air, proprement dit, que l'on respire, aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup, quand même, la circulation automobile, enfin, la circulation routière, avec tous les véhicules, qui en est responsable, hein, c'est clair, c'est net. Hein, si, par exemple à Paris, ou dans de grandes villes, il y a des alertes à la pollution, que les véhicules ne peuvent rouler qu'un jour sur deux, que des véhicules diesel maintenant, les plus anciens sont interdits, c'est quand même pas sans raison. Oui. C'est quand même la pollution urbaine, est provoquée bien sûr par les automobiles et particulièrement par le diesel. Ouais. Prenons l'exemple de Grenoble par exemple. C'est aussi tout de la pollution routière parce que Grenoble s'est pollué depuis des années, on le sait. Ils ont fait des gros efforts à Grenoble, hein, parce que comme chacun sait, c'est quand même une municipalité écologique, c'est un des verts, c'est une des rares de France d'ailleurs, et Grenoble est cité souvent en exemple, par rapport à la politique alors. De toute façon, la volonté politique est nécessaire pour arrêter le... Bon, est-ce que l'automobile électrique est la solution? On sait que non, hein, parce que de toute façon, c'est pas stress. La bascule entre l'essence, le diesel et puis l'électrique, il n'est pas assuré. Mmh. En plus de ça, c'est gros consommateur de métaux rares, etc. Il y a énormément aussi, derrière tout ça, d'inconvénients à la voiture électrique. Michel, il faudrait développer les transports en commun, et puis limiter la circulation automobile, surtout dans les grandes villes. Voilà, pourquoi on n'y arrive pas, nous, nos voisins nordiques, ils y arrivent? Ils y arrivent plus facilement. Ils y arrivent plus facilement. Je pense que c'est une question d'état d'esprit aussi. Si on voit par exemple aux Pays-Bas, en Allemagne, le nombre de cyclistes qui roulent, il n'y a pas de commune mesure avec la France. Oui. Et pourtant, le climat n'est pas meilleur, loin s'en faut. Mais Michel, il y a quand même une incohérence parce que la qualité de l'air en France, on dit la qualité de l'air en France, mais l'air, ça n'a pas de frontières. L'air bien sûr, mais là la concentration, certains jours, la concentration dans l'air, de la pollution dans l'air est très importante parce que ça reste au niveau. Oui, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent, s'il fait de la chaleur, s'il fait du grand froid, ça peut rester au niveau du sol dans les agglomérations et c'est la pollution urbaine. Hein, elle ne vient pas d'ailleurs. Non, des champs de. Elle ne vient pas de chez Trump ou de chez May. Hein, c'est clair que c'est bien la pollution qui est produite au niveau de l'agglomération c'est essentiellement la pollution générée par l'automobile. D'accord. Voilà. On va changer de sujet, on va parler d'escroquerie. Ah. Alors, plusieurs adhérents de l'UFC Que Choisir ont vécu la même histoire alors qu'ils surfaient sur Internet. Un message semblant provenir de la société Microsoft est apparu à l'écran. Il indiquait que leur ordinateur était bloqué et qu'ils devaient, pour résoudre le problème, composer un numéro de téléphone. Ceux qui l'ont fait pensaient être mis en relation avec le support technique de Microsoft. Au bout du fil, la personne rassurante leur a affirmé pouvoir les aider à condition qu'ils payent une somme importante, souvent supérieure à 200 euros. Oh là là. Qu'ils l'aient versé ou non, aucun d'entre eux n'a constaté le moindre changement. Et pour cause, le message n'émanait pas de Microsoft et la plateforme vers laquelle il renvoyait était tenue par des escrocs. Si vous voyez apparaître ce genre de message, pas de panique, fermez le navigateur par le biais du gestionnaire de tâches, on y accède en appuyant simultanément sur les touches CTRL, ALT et SUP, puis rouvrez le navigateur sans restaurer la session. Ça suffit en général à relancer la connexion. Si ce n'est pas le cas, contactez un réparateur. Si vous avez payé, votre seule chance d'être remboursé est d'être couvert par ce genre d'arnaque. En pareil cas, les banques ne sont pas tenues de vous indemniser. C'est l'article L133-23, Code monétaire et financier. Vous trouverez plus d'informations sur cybermalveillance, d'un seul mot, .gouv.fr. Voilà, on trouve de plus en plus d'arnaques hein, sur Internet. C'est ça, c'est clair, on le sait. Tu peux répéter, donc c'est en fait c'est Microsoft qui dit que l'ordinateur est bloqué. Mais en réalité, ce n'est pas du tout Microsoft. Voilà. Hein. Alors, c'est manœuvre, des escrocs. Ouais, c'est quelle manœuvre qu'il faut faire pour les enlever? Ah bah par le biais de gestionnaire de tâches. Ouais. On y accède en appuyant simultanément sur les touches CTRL. Attends. Alors, gestionnaire de tâches, oui. Sur les touches CTRL, je te redonnerai oui, contrôle, ça. ALT et SUP, ouais. Hein, comme supprimer. Ouais. Puis rouvrez le navigateur sans restaurer la session. Cela suffit en général à relancer la connexion. Okay. Bah, je vois chez moi, par exemple, ça accroît la bannière, hein, parce qu'il n'y a pratiquement pas de débit. Hein, Internet, c'est... j'ai déjà un ordinateur assez vieux qui patine. Ouais. et puis en plus de ça, j'ai pratiquement pas de débit. Donc aller sur Internet, c'est vraiment laborieux, ouais. Laborieux. Ouais. Laborieux. Ouais. Quand on reçoit beaucoup de mails, c'est très très frustrant. Le temps qu'on peut passer, etc. À enlever les mails de publicité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'autrefois, l'information venait à nous. Hein, oui. Par l'intermédiaire d'écrits, de lettres et autres. Aujourd'hui, il faut aller chercher l'information. Oui, oui. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça rejoint l'esprit publicité, ce que tu disais sur les prospectus. Finalement, il y a beaucoup de publicitaires, etc. Ils ont enlevé les prospectus pour mettre ça sur des mails. Ah ben oui, bien sûr. Par exemple, je pense à un magasin d'habits. Au lieu de recevoir une publicité sur les produits, les robes, machin, les pantalons qu'ils ont, ils font de la pub par mail. Donc il y a tout un tas de mails dont on ne se sert pas et qui sont devenus de la pub aussi, quoi. C'est... la publicité, je crois que c'est vraiment quelque chose qui... Oui, mais là il ne s'agit pas de publicité, il s'agit simplement d'arnaque. Oui, c'est d'arnaque au support technique. Hein, c'est le titre que choisir. Mmh. Enfin, si vous voulez plus de détails, bien sûr, rapportez-vous à Que Choisir du mois de juillet-août. Hein, parce que tu disais cybermalveillance aussi, c'est ça? C'est de la cybermalveillance. Ouais. Ah non, mais la cybermalveillance, c'est justement le site. C'est un site officiel du gouvernement français. Ouais. Mmh. Hein, et on peut trouver des informations là-dessus, quoi, sur les moyens justement de lutter contre cette malveillance cybernétique. Voilà. On va parler des baignades, hein, ça va commencer. Ah oui, chouette. Tu es déjà allé? Tu es déjà allé te baigner? Non. Moi j'ai failli et puis finalement j'ai pas trop eu le courage. Bah, ces jours-ci c'est le moment en fait. Hein. Bah, oui, on a du beau temps jusqu'au dimanche. Alors avant de plonger, enfin moi je sais bien que je plonge pas, mais bon, je préfère y aller doucement. L'été est propice donc à la baignade, comme chacun sait, dans des criques isolées, rivières et autres plans d'eau, pas forcément prévus pour cette activité. Un conseil, dit que choisir, vérifier la profondeur de l'eau avant de plonger. Ben oui. Ça paraît évident, mais cette précaution élémentaire n'est pas toujours respectée. Comme le montre la mésaventure de ce vacancier grièvement blessé après avoir plongé dans l'Ardèche. Il est tombé sur la tête, il s'est cogné la tête. Il demandait un dédommagement au propriétaire de la berge, à qui il reprochait de n'avoir pas, de n'avoir implanté aucun panneau interdisant le plongeon. C'est sûr que si le sol il est à un mètre et puis qu'il plonge... Mais comme il connaissait les lieux, s'y était déjà baigné et avait consommé de l'alcool en quantité, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu ce printemps, que seule sa faute d'imprudence était à l'origine de cet accident. Bah oui, quand même. Ah, peut-être que quand il a plongé la première fois, il y avait plus d'eau. Hein, peut-être, mais t'imagines... Mais il n'empêche quand même que... Bah, moi, quand je rentre dans l'eau, je plonge en longueur. Quoi. Il ne faut pas plonger à la verticale tout de suite. C'est vrai que si on ne sait pas que s'il y a un mètre ou deux, s'il y a un mètre, on se tape la tête sur, bah oui, bien sûr. Sur le fond, c'est sûr. Mais c'est sûr, il y a des accidents, mais il n'y a pas que des accidents dus à l'alcool ou quoi. Il y a aussi les... Le froid chaud, quand il fait très très chaud et qu'on rentre dans l'eau, ça provoque des arrêts cardiaques, des froids. Ah bah oui, bien sûr. L'hydrocution. Voilà, c'est ça. Il faut bien se mouiller. Bah, tout le monde le dit. Il faut bien se mouiller petit à petit. Et puis surtout, la nuque, si on veut aller dans l'eau alors que la digestion est encore en cours, puisque de toute façon, le sang va être mobilisé au niveau quand même des viscères. Et donc, à partir de ce moment-là, l'hydrocution est plus fréquente. Oui, il ne faut pas entrer d'un coup dans l'eau quand il fait très très chaud, surtout si elle est fraîche. Et surtout pas les enfants, quoi, les bébés, les enfants. C'est... Alors, que choisir lance un appel à témoignage. Les frais facturés lors d'une hospitalisation. Je pense revenir au problème d'hospitalisation la semaine prochaine. Hein, avec un dossier, peut-être qu'on aura le concours justement d'un ancien médecin hospitalier, parce que aujourd'hui on demande aux médecins hospitaliers de se taire, et donc certains c'est impressionné, en sachant bien que ce dossier, il est important qu'on en parle, puisque samedi, comme chacun sait ou ne sait pas, il y aura une grande manifestation à Paris par la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, hein, et puis pour justement éviter une catastrophe sanitaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France était certainement a été le meilleur pays du monde au point de vue de ses pratiques hospitalières, de ses véritablement de la qualité. À côté des hospitalisations, on est passé à la 15e place. Et aujourd'hui, ça se dégrade de plus en plus depuis que le plan santé a été installé du temps de Sarkozy par Roselyne Bachelot en particulier. Mais on reviendra sur la question. En sachant bien qu'il y a un appel de l'association ADEMAT, mais pas seulement elle, puisqu'il y a une coordination nationale. Oui. C'est-à-dire que c'est des centaines d'associations qui appellent à se rendre à Paris, samedi. Samedi à partir de 12h, de toute façon, ça fera l'objet d'un de mes éditos, pour jeudi prochain d'ailleurs, je rappellerai un petit peu les modalités pratiques. Alors ce serait Place de la République. Place de la République, et puis je crois qu'on se dirigerait vers Nation. Voilà, donc une grande manifestation à attendre. En plus de cette manifestation qui concerne les hôpitaux, apparemment la Coordination nationale des services publics, de défense des services publics, appelle aussi à manifester. Hein, parce que je crois que l'heure est extrêmement grave. Et pour l'hôpital d'Ormiremont, par exemple, l'heure est grave aussi. Hein, on a pu en parler au niveau de la cardiologie, au niveau de la maternité, des services qui disparaissent. Bon, tout doucement, on détricote l'hôpital public. Hein, Ormiremont n'est pas la seule à vivre ça, et je crois que les citoyens ont tout intérêt à réagir. Voilà, alors les frais facturés lors d'une hospitalisation, parce que là je me suis un tout petit peu écarté, pas tellement. Alors que choisir de dire ? Vous avez récemment été hospitalisé en établissement public ou en clinique, Pour une étude sur les tarifs appliqués et les frais facturés, votre expérience nous intéresse. Merci de nous communiquer la fiche de tarifs fournie à votre admission ou votre facture avec le nom d'établissement. Nous garantissons l'anonymisation pardon, des données transmises. Il faut écrire pour ça la rédaction de Que choisir, en particulier donc Anne-Sophie Stamann. Alors l'adresse de Que choisir, c'est 233 boulevard Voltaire, 75 555, c'est tous des 5, après le 7, Paris, CEDEX 11, ou Astamann, avec deux S, @quechoisir.org. Voilà, mais enfin, bon, ça vaut le coup peut-être de consulter Que choisir pour avoir ses coordonnées, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément un stylo sous la main pour noter, et puis ça devient un peu fastidieux. Voilà, voilà quand même, bon, c'est vrai qu'il y aura un pique-nique, certainement, en place de la République à Paris, donc, samedi, hein, et donc, pour en terminer là-dessus, donc, Adémat a affrété un bus. D'accord. Un bus, donc il y aura 52 places à peu près, de qu'on se le dise. Hein, je pense que le bus n'est encore pas complet jusqu'à présent, mais il faut se dépêcher de souscrire auprès de Jean-Pierre Latiéfos. Enfin, c'est surtout, si vous connaissez les personnes, les différentes personnes qui animent l'association Adémat, eh ben, il faut s'inscrire auprès d'eux. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, il faut aller voir Adémat, de toute façon. C'est... Ben, oui. Si vous êtes adhérent, vous devez connaître les coordonnées. Pardon ? Il est où le siège d'Adémat, pour rappeler Adémat, il est... Ah oui, tiens, c'est une bonne question. Quelquefois, on finit par oublier. Je crois que c'est mairie d'Ormiremont. C'est la mairie d'Ormiremont. Je crois que c'est mairie d'Ormiremont, le siège social. Hein. En sachant bien que les réunions se passent à Remiremont, mais que bien sûr, encore plus que Remiremont, les personnes des vallées, les élus, les élus des vallées sont très nombreux pour la moindre manifestation, parce que c'est vrai que plus on augmente les distances pour être hospitalisé, plus on augmente les risques, bien évidemment. Il y a eu récemment un problème à l'hôpital de Remiremont, et puis s'agissant de la cardiologie, donc il y a le témoignage d'une personne, d'une future maman qui sera obligatoirement à la maternité d'Épinal, parce que à Remiremont, la cardiologie a été vidée de sa substance, on pourrait dire, en grande partie. Et comme cette personne-là a quelques petits problèmes cardiaques, pour ne pas prendre de risques, il a été décidé d'hospitaliser à la maternité d'Épinal. Et dit Michel. Donc ça permet aussi de vider en quelque sorte la maternité de Remiremont pour prouver que de toute façon elle n'est pas suffisamment performante, elle ne peut pas s'appliquer à tous les cas. Tu mets l'accent sur l'aspect national, c'est vrai que ça se passait à Paris. Ah ben c'est national. C'est national. Hein. Tu te souviens, on avait reçu monsieur et madame, le monsieur en fait. Michel Anthony de l'URE. Oui, la coordination, exact. C'est le président de la coordination nationale, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on se permet de relayer ces informations, hein, en sachant bien qu'Adémat, bien sûr, est au premier rang, hein, mais même si vous n'êtes pas partie d'Adémat, bien entendu, hein, tous les citoyens sont invités à Paris, samedi 25, attends, si je ne me trompe pas... samedi, c'est le 25, hein, c'est le 25 ou le 26, on verra, hein, puisque... Attends, je te dis ça. On va dire ça. Non, 23. Non, samedi 23, bien sûr. Samedi 23, donc samedi à Paris, hein, sachant que ceux qui feront le trajet, la plupart vont le faire en bus, ou au train, et donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux qu'ils se munissent d'un pique-nique, bien entendu. Mais pour bien préciser que c'est pas seulement la Démat qui va à Paris manifester. Il y aura des milliers de personnes venues de toute la France. Hein. Il faut bien mettre l'accent là-dessus, que c'est national, et que ce monsieur qui est coordinateur à l'URE, nous a présenté des exemples de maternité dans, je sais plus, c'était dans le Lot ou enfin en Bretagne, je sais qu'il y en avait une en Bretagne. Je me souviens qu'il avait sauvé. Ils avaient réussi à sauver la maternité. Oui, de temps en temps, des maternités qui sont sauvées, comme celle de Remiremont. Voilà, mais pour combien de temps ? C'est toujours la même chose. Hein. Bon, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Oui. Hein, avec, au choix du technicien. Leur petit talent, leur polyvalence. Oui, je les aime, je les aime. J'aime. Les visites des huissiers. Il faut bien sûr de n'en voir rien oublier. Oh oui, je les aime, je les aime. Oh, j'aime. J'aime aussi ma maison de disque, l'attaché de presse, la standardiste. Je les aime, oh oui, je les aime. Sans oublier ma petite Sassem, qui sait oh combien je l'aime. J'en rajoute, bon, j'en fais pas des tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. L'Espot Blues, je fais le L'Espot Blues. L'Espot Blues, je fais le L'Espot Blues. L'Espot Blues, je fais le L'Espot Blues. Oh, L'Espot Blues, je fais le L'Espot Blues. L'Espot Blues, je fais le L'Espot Blues. J'aime le festival de Cannes, même si je me prends les pieds dans les palmes. J'aime tous les hommes politiques. Ils sont si sincères et si sympathiques. Oh, je les aime, je les aime. Oh, j'aime. J'aime la police et l'armée. Tous ces beaux garçons si bien habillés. Je les aime. Vive le showbiz et la charité. Il n'y a que la Suisse que je n'ai pas pu sauver. Non, rage pas, j'en fais pas des tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Laisse pas de blues, je fais le laisse pas de blues. Laisse pas de blues, je fais le laisse pas de blues. Laisse pas de blues, je fais le laisse pas de blues. Bien, nous retrouvons ce dossier consommateur, en particulier à partir de Que choisir, donc mensuel de l'Union fédérale des consommateurs, Et c'est pour le mois de juillet-août. Eh bien oui, on a déjà un dossier important, puisque c'est 6 mois d'été. C'est vrai que la presse consumériste est en partie en vacances, mais qu'elle publie déjà des articles particulièrement intéressants. Alors, les substances indésirables, toujours les cosmétiques. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, c'est quand même beaucoup. Malgré les alertes, le triclosan reste présent dans de nombreux dentifrices. Oh là là. Via nos revues, dit que choisir, notre site et l'appli cosmétique d'un seul mot. Nous vous mettons en garde contre les ingrédients indésirables dans les cosmétiques. C'est ce que dit que choisir. La nocivité de 2 d'entre eux a récemment été confirmée. L'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un rapport sur le xéthanol, avec un Y au milieu du mot. C'est pas facile à prononcer. Elle recommande à nouveau de bannir ce conservateur des produits destinés aux fesses des tout-petits, lotions, crèmes, lingettes, alors que les experts européens l'avaient blanchi. On n'en est plus à ça près, hein. Les contradictions, le poids des lobbies est ce qu'il est, il n'empêche qu'il sévit au niveau de l'Europe, surtout à Bruxelles. Quant au triclosan, un des ingrédients les plus méchants de notre liste, là encore, fait référence à que choisir. Du fait de son caractère perturbateur endocrinien, une étude vient de montrer qu'il pouvait favoriser l'inflammation de l'intestin. Chez les souris exposées à de faibles doses, il provoque l'inflammation du côlon. Si elles sont en bonne santé, elle aggrave si elles souffrent déjà de pathologies intestinales, telles que maladies inflammatoires chroniques ou cancer. Cet agent étranger modifie leur microbiote, micro-organismes naturellement présents, malgré les alertes récurrentes sur le triclosan, est encore présent dans de nombreux dentifrices, notamment les marques Sanogyl et Colgate. Dis, Michel, voilà. Moi j'ai été ahurie quand j'ai vu une publicité d'un certain dentifrice, je ne me souviens plus la marque de toute façon, mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. La publicité, elle est dite en playback, en fait. On les voit parler et on voit qu'on n'entend pas les paroles correspondre au mouvement de la bouche, quoi. Ils sont vraiment pour des imbéciles. Le budget publicité des grandes marques, ça peut atteindre 10 à 20% du prix du produit. Arrêter, hein, c'est énorme, hein, c'est énorme. Il faut arrêter quand on voit ça, c'est pas possible. On se dit, mais de toute façon, pour en revenir aux produits... Enfin, là, c'est... Ces deux méchants qui sont épinglés, et là, c'est Sanogyl et Colgate. Hein. Mais les c'est pas la publicité, ouais. C'est la contre-publicité. Mais les produits cosmétiques, de toute façon, même dans les produits bio, il y a de la saleté. C'est-à-dire qu'il y en a moins qu'ailleurs, mais même certaines huiles essentielles peuvent être allergisantes, il faut le savoir. De toute façon... Il faut le savoir. Moi, je connais une personne qui a trouvé le truc. Mais en fait, il y a quand même moins de risques, hein, dans les produits bio. Oui, mais moi je mets plus rien parce que ça me rougit la peau, j'en peux plus. Et je connais une personne qui a trouvé un remède, c'est l'huile d'olive. Elle met de l'huile d'olive. Pour se brosser les dents ? Non, pas pour se brosser les dents. Ah bon, pour la peau ? Oui, tous les matins. Il y a des plantes, en particulier le calendula qui est excellent pour la peau. Oui, mais dans le calendula... Hein, le beurre de karité aussi. Oui, d'accord, mais t'achètes ça dans une pharmacie où ils te mettent plein de Il y a des arboristes, il y a des magasins spécialisés, il y a tout ça, il n'y a pas que les pharmacies. Hein. Mais ça ne veut pas dire non plus que les produits qui sont en pharmacie sont plus chers. Mais Michel, il ne faut pas être naïf. Dans les produits de beauté, maintenant, le et le triclosan, il y en a partout, dans tous les produits. Triclosan. Il y en a partout. Phénoxyéthanol. Xéthanol. Oui, que ce soit dans les produits de pharmacie, de bio, de vie claire, de machin, de trucs, il y aura toujours ces produits-là dans les crèmes de beauté, il ne faut pas rêver. Mais là, il s'agit de dentifrice, hein. Il s'agit de dentifrice, c'est encore plus grave. Ah oui, bien sûr. Encore que la barrière cutanée, elle n'est pas infranchissable pour des tas de produits. C'est très dangereux parce que ça touche les, les, La gencive. Bah, c'est prouvé que chez les rats, ça provoque des problèmes intestinaux, ça les aggrave, etc. Et puis, aussi que le triclosan fait partie des perturbateurs endocriniens. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la publicité, on est bombardé de publicités qui nous disent quoi acheter. Et finalement, on ne sait pas quoi acheter pour pas être lésé. Je pense qu'il faut être un consommateur responsable et puis s'informer par exemple avec des mensuels comme Que Choisir, comme d'autres, mais c'est surtout quand même le principal mensuel, le plus lu, certainement le plus performant en matière, le plus indépendant surtout. Oui. C'est le mensuel de l'Union fédérale des consommateurs. Ouais. Hein, c'est au niveau national. Il s'agit bien d'une association, loi de 1901, et puis avec tout le sérieux que cela suppose dans le domaine consumériste, avec bien sûr des liens avec d'autres associations, européennes, ça permet au niveau international d'échanger des informations, de savoir quelle évolution qu'il y a dans le domaine de la consommation. Au niveau local, il y a pas mal le bouche à oreille aussi. Et puis, par exemple, l'UFC a une permanence sur Épinal. Patrice Étoffé, l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, une permanence sur Épinal. Hein, on est bien dans le domaine associatif. Ouais, ouais. Hein, c'est-à-dire des grandes associations nationales et qui sont véritablement indépendantes du pouvoir et du pouvoir économique, des lobbies économiques. Mais c'est vrai que dans les Vosges, il y a des C'est une revue, je tiens à souligner, sans publicité, bien évidemment. Oui. Parce que si on fait de la publicité pour des produits et puis qu'une page plus loin, on démolit ce même produit, je ne sais pas si le rapport de la publicité, enfin le rapport financier de la publicité peut aller bien loin. C'est pour ça que encore même lors de la dernière assemblée générale, notre radio a fait quand même le pari continu à être une radio libre sans publicité. Je crois bien que c'est la seule dans le département des Vosges et même bien au-delà. C'est ce qui nous permet de dire ce qu'on dit soir, on a le temps de le dire au lieu d'écouter des trucs. Bon, ça ne veut pas dire que les autres radios, que les autres organes de presse négligent forcément une information, mais on est quand même il y a quand même un peu de mal à la fois sur la masse d'informations. Il va y avoir quand même quelque part une forme de ménager un petit peu les marques. C'est elles quand même qui font vivre par exemple la presse. La plus grande partie de la presse écrite vit pratiquement 60% de publicité. C'est une moyenne, bien sûr. Nous, ici, on a le temps de s'exprimer. Le temps qui est pris sur la pub, c'est de l'expression en plus. Également. Et de la musique en plus aussi, de l'information, tout ça, c'est pris en plus sur la pub. Bon, mais je voudrais revenir dans les Vosges. Puisqu'il faut bien s'imaginer, de toute façon. C'est une source de financement, c'est sûr, pour les médias, la publicité. Mais qui la paye, cette publicité? Au bout du compte, c'est quand même le consommateur. C'est quand même l'auditeur-consommateur qui la paye, quelque part. Donc, c'est quand même assez infernal. Et ça limite quand même une liberté de parole. Hein, même si on trouve, par exemple, sur la deuxième chaîne, ou sur Arte, d'excellents dossiers, justement, qui combattent. Je ne comprends pas trop tout ça, mais ce que je peux dire pour en revenir à Que Choisir, c'est national et local, par rapport aux produits. Il y a 70 associations locales. Ouais, mais il y a le bouche à oreille aussi, parce qu'il y a des fermes maintenant qui font du savon ou les danesses, des choses comme ça. Donc ça, évidemment, c'est son produit. Et il y a énormément de choses locales qui produisent des nouveaux produits en lesquels on peut avoir confiance. Même à l'échelle locale, à l'échelle artisanale, c'est sûr que c'est des bons produits. Maintenant, est-ce qu'ils sont complètement exempts de produits chimiques dangereux, perturbateurs endocriniens, que sais-je encore? Alors là, quelquefois, on pose la question. Hein, on pose la question parce quand que... on reçoit. Ben parce que j'ai Mais je pense que ça sera pour bientôt, parce que quelquefois c'est vrai que ceux qui mettent sur le marché par exemple des cosmétiques, en particulier sur le secteur, secteur par exemple, il y a une dame sur Saint-Amé qui fait des savons, qui fait des produits cosmétiques, je l'ai invitée et puis finalement, notre emploi du temps ne correspondait pas forcément comme on l'aurait voulu à un moment donné, mais on ne renonce pas bien sûr à faire parler ces personnes-là, puis à leur demander leur avis sur les produits qu'ils fabriquent. C'est pas de la publicité, mais démontrer quelque part qu'il y a des artisans qui aiment leur métier, qui veulent vraiment fabriquer des produits de qualité, c'est quand même intéressant. C'est important. C'est pas faire de la publicité proprement dit, c'est simplement faire connaître un peu les... C'est du conseil. Au-delà d'économie locale, c'est donner la parole à des petits producteurs, des petits artisans qui essayent de faire la qualité. Mais, par exemple, Après, bien sûr, est-ce que ces produits-là sont véritablement bio, par exemple, qui sont sans danger? Mais par exemple, on peut pas trop le savoir tant qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait. Par exemple, un producteur local qui veut faire des savons puis qui décide de mettre du triclosan dedans. Enfin, ça c'est pour le dentifrice, je me trompe. C'est le dentifrice. Le phénoxysolal, hein, c'est ça? Enfin bref, si il y a un producteur bio du coin qui veut mettre un produit dans son savon, il est obligé de l'acheter le phénoxymagin. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, un produit peut être entièrement naturel. Un produit peut être... On a fabriqué pendant des décennies des savons, des dentifrices, on ne recourait pas à la chimie. Le recours à la chimie, c'est bien souvent pour deux raisons essentielles. Déjà, l'efficacité est peut-être immédiate, hein, c'est-à-dire un produit qui en étant délétère... paraît au moins efficace dans un premier temps. Moi, je déconseille les antivirus. La deuxième chose, c'est bien sûr tout le business des chimistes qui sont là. Hein. On fabrique des produits chimiques, il faut bien les exploiter et les vendre. Puis c'est qui paye? C'est les animaux dans les ateliers de vivisection. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que je vais être en collège. Ça dépend. Ça dépend, mais c'est vrai aussi. Mais en fait, la chimie pour les producteurs, ça s'achète tout? Ah, les grands groupes chimiques, on les connaît. Hein. C'est eux qu'il faut enlever. Malheureusement, un groupe comme Monsanto Bayer, aujourd'hui, ça représente plus que le budget d'une nation moyenne, on va dire. Hein, c'est énorme. Ils ont un pouvoir économique énorme pour faire accepter. Ils arrivent à corrompre des gouvernements. Hein. C'est clair. C'est clair. Hein. Et puis c'est des lobbies qui sévissent, par exemple, à Bruxelles. Bon, c'est vrai que les unions de consommateurs se conduisent aussi en lobbying, en lobby. Mais est-ce qu'ils ont la même efficacité comme Monsanto, Bayer ou d'autres tresses du même genre? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont presque le monopole des graines sur la plupart des graines sur la planète, des OGM, de tout ce qu'on veut. Hein, donc c'est énorme comme... Bayer, Bayer Monsanto, maintenant, c'est la même, c'est la même entreprise. C'est quelle nationalité? Américaine et allemande. Oh là là. Bon, de toute façon, ces lobbies, ces trusts, en principe, n'ont pas beaucoup de frontières. Hein. Voilà, puisque... Oui, malheureusement. Ah oui, alors, puisqu'on était dans les ingrédients cosmétiques, on va continuer sur ces ingrédients cosmétiques. Oui. Le professionnel doit fournir au client la liste des ingrédients d'un produit, a rappelé la direction des fraudes en décembre dernier, au sujet des ventes de cosmétiques sur le web. Elle faisait écho, c'est sur le web hein, qu'on parle, elle faisait écho à un article de Que Choisir, c'est le numéro 562. Certaines des marques ou distributeurs que nous avions épinglés, dit Que Choisir, se sont mis en conformité. C'est le cas même s'il faut parfois chercher l'info de Sephora, Yves Rocher, L'Occitane, Clarin, Caudalie, Clinique ou encore Roger Cavaillès, Nocibé, Bourjois ou Clarin. Alors donc, ça ne veut pas dire que ces marques-là sont n'ont pas des produits qui peuvent nuire à la santé. Ça veut dire simplement qu'ils se sont engagés, comme la loi le prévoit, donc à faire état des produits qu'ils emploient dans leurs cosmétiques. Comme ça, au moins le client, le consommateur, n'est pas dans l'ignorance des produits qui Mais sont... Mais bien sûr que si, qu'on est dans l'ignorance. Mais non, parce que là, il faut peut-être lire... Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit caractère, mais il faut peut-être lire le produit avant de l'acheter. Moi, je sais que dans l'alimentation, par exemple, je regarde les produits qui sont à l'intérieur. Ah oui, oui. Tu regardes la notice. Il n'y a pas besoin de la notice. C'est sur l'emballage que doit être. Parce que, s'agissant de cosmétiques, par exemple, c'est sur l'emballage qu'on doit voir les produits. Et puis, il y a des tas de produits qui sont vendus même en supermarché. C'est une obligation légale. On a la composition des produits. Moi, j'ai acheté une crème il n'y a pas longtemps dans un magasin que tu viens de citer. Je ne dirais pas lequel. J'ai acheté une crème purée, mais je me dis, ça me tire, ça me fait mal. La notice, je ne l'ai pas lue. Hein. La notice, c'est un truc, c'est pire qu'une notice de télévision. C'est un truc de fouille. Et il y a des produits, bien sûr qu'il y a des listes des produits, mais on ne sait pas si ces produits sont bons ou pas. Ce n'est pas écrit dessus. Alors après, c'est une question de s'informer en tant que consommateur. C'est sûr qu'on connaît. Et puis même un produit qui apparaissait inoffensif, Le devient après des tas de tests, après des tas d'analyses, on le soupçonne après qu'il peut produire. Mais de toute façon, à partir du moment qu'on introduit dans le corps une molécule étrangère, une molécule qui n'existe pas dans la nature, c'est vrai qu'on peut prendre des risques. Bah, bien sûr. On peut prendre des risques. Parce qu'il y a un magasin que tu as cité qui est uniquement basé sur la nature. Beaucoup de marques, alors que choisir de rajouter, beaucoup de marques enfreignent la loi, Biolan, Biotherme, Bourjois, Cattier, Colgate, Dermophile, Dior, Eugène Color, Eugène Parma, Garnier, Lovea ou encore Uriage et Marionaud. Et tout ça, c'est Marion en pharmacie. Ne donne pas d'informations ou alors met en avant les seuls ingrédients nobles. Narta et Diadermine ne vendent plus directement, mais reçoivent sur Amazon, qui reste muet sur les ingrédients. Une discrétion illégale qui laisse penser que ces marques ont quelque chose à cacher. Voilà, mais c'est intéressant parce que je crois que c'était véritablement une croisade que choisir depuis plusieurs mois, voire depuis une année justement par rapport aux cosmétiques. Parce que les cosmétiques, quand on pense que les femmes arrivent à se mettre, à utiliser, pas seulement à se mettre sous la peau, parce qu'il y a forcément des dentifrices, il y a forcément des produits qu'on ne met pas sur la peau directement. Qu'on a jusqu'à plus de 30 produits quotidiens, et qu'il y a beaucoup de chimie, on peut quand même craindre pour ces femmes qui utilisent autant de cosmétiques. Je vais dire un truc, Uriage et Biolan, c'est des produits de pharmacie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'as beau aller dans une pharmacie, tu t'es pas sûr de trouver des produits où il y a aucun produit dangereux ou... Il faut peut-être privilégier justement l'huile d'olive. Ou des huiles essentielles. Des pommades et des baumes essentiels. On connaît ça. Maintenant il y a plus aucune marque qui soit nette. Alors une mauvaise nouvelle, mais on en a beaucoup parlé. Made in France, c'est fini pour Whirlpool Amiens. L'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens a fermé le 31 mai, victime d'une délocalisation en Pologne. On le savait, c'était quand même... Là, au moins, il n'y a pas eu trop de discrétion autour, on en a beaucoup parlé. Ça avait été annoncé beaucoup plus tôt. Deux semaines plus tôt, on apprenait la fermeture de l'ex-usine Electrolux de Revin, dans les Ardennes, qui fabriquait des moteurs de lave-linge. Les sèche-linge et lave-linge, après les frigos et les congélateurs, rejoignent la liste des produits qui ne sont plus fabriqués chez nous. C'est-à-dire, on n'a plus de frigo, on n'a plus de lave-linge, on n'a plus de sèche-linge qui sont fabriqués en France, il faut le savoir. Hein ? Plus du tout ? Plus du tout. Il n'y a plus aucune marque qui fait ben ça ? Non, ben non, ben non, ben non. Après la fermeture donc de Whirlpool Amiens et puis des Ardennes, de l'ex-usine électronique. Mais Whirlpool, c'était français, parce qu'il y a 1000 qui sont. Mais non, non, non, mais c'était fabriqué en France. Ah oui, Whirlpool d'accord. N'est pas. C'est un groupe international, c'est un groupe, si je me souviens bien, qui était d'origine suédoise ou. Et nous, on perd. Ou néerlandais, je ne sais plus. Hein, ça ne veut pas dire, parce que c'est fabriqué sur le territoire national, que c'était des groupes français d'ailleurs, d'origine française. Et puis peu importe, il peut y avoir plus de pièces dans une Ford fabriquée en France que dans une Renault, que dans certains prototypes de Renault. Hein, c'est le problème, c'est de savoir où c'est fabriqué. Quand même, le consommateur a le droit de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de lave-linge, de sèche-linge qui sont fabriqués en France. Il faut le savoir, c'est tout. Hein, le Made in France se cantonne désormais à la cuisson, four cuisinière ou au petit électroménager, hein, sachant bien que le groupe français SEB, ça reste avec toutes ses filiales, reste et de loin le premier groupe européen de petit électroménager. Ce qui ne l'a pas empêché de fermer de nombreuses usines en France et de s'implanter en Chine, au Brésil ou ailleurs. Voilà, on n'arrive pas loin de. On va quand même faire très rapidement le tour de la presse consumériste parce que là, on a que quelques sujets d'actualité. Hein, donc il nous reste 2-3 minutes et donc on peut parler quand même des articles de la presse consumériste, en particulier que choisir. Qu'est-ce qu'il y a d'actualité pour cet été Il y a bien sûr le tourisme, voyageons au mieux pour protéger la planète, pour protéger la planète, c'est un dossier que choisir. Les smartphones, ce qui est compris dans le forfait ou pas. Les automobiles, faut-il encore acheter un diesel ? Avec un grand point d'interrogation, bien sûr. Logement, il y a la fameuse loi Elan, ce qu'il faut retenir. Et ça, je crois que c'est très, très utile pour les locataires de se procurer ce numéro de que choisir. Si on a l'occasion, on reviendra peut-être sur cet aspect logement, avec peut-être, pourquoi pas, une association qui serait beaucoup plus pour protéger les locataires. Les bières locales, c'est intéressant, hein, les bières locales. Consommer, bien sûr, avec modération. Je me dois de rajouter les sièges auto, les boîtiers GPS. Ah oui, c'est intéressant l'histoire des boîtiers GPS. Les appareils photo, les congélateurs armoires, les climatiseurs mobiles. Alors ça, c'est intéressant. Il y a un test que choisir qui est particulièrement intéressant. Et puis alors, il y a les alertes sur les tiques. Et sur les vins naturels et le sport à la télévision. Voilà. Et ben voilà, on se sépare sur ces informations. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous mardi prochain, si tout va bien. Bonsoir.